Voici venir l'humeur de Guillaume Guise. Bonjour. Et mercredi. Mercredi, je vous racontais qu'au parc, il y avait un canard qui courait plus vite que moi. C'est vrai, hein. Ouais. Il me prend de haut, il ralentit exprès et tout, il se met en squat. Il me dit, frère, tu fais de la peine, hein. Sapiens, c'est plus ce que c'était. Hein. Dans 200 ans, c'est nous, on fera des magrets avec vous. Moi, je suis là, déjà, parle bien français. Ce canard, il a pris la confiance, non? Alors que dans les grandes lignes, c'est juste un poulet avec un peu de couleur. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis pas prêt de rivaliser avec lui. Hein. En forçant, je me suis fait une hernie, je suis interdit de sport. Ça fait un mois que je vais courir tous les jours. Mon corps, il a pas compris, en fait. Je crois qu'il m'a fait non, vous vous trompez de personne. Moi, je veux bien résister à la vodka, pas au jogging. Hein. Genre mercredi, en rentrant du parc, je remarque une grosseur à hauteur du pubis, comme ça. Là, vous me connaissez, je panique pas. Mais quand même, pendant 40-45 minutes, je m'évanouis. Hein. Au réveil, je suis allongé dans mes toilettes, au calme, une gencive sur la cuvette. Et là, je fais comme font les gens quand ils ont un problème médical en avril 2020. Hein. Consultation téléphonique avec mon médecin. Je suis pas alarmiste. Hein. Je lui dis, docteur, combien de temps il me reste? Combien de temps? Dites à ma famille que je les aime et tout. Dites-leur que France Inter me doit encore 4 chroniques. Et s'il les réclame pas, c'est Nagui qui va les encaisser comme d'habitude. Et mon médecin traitant, c'est une dame adorable. Hein. 9 fois sur 10, je vais la voir pour des suspicions d'MST. Je vous promets, quand j'arrive chez elle, elle me dit, allez, où est-ce qu'on a encore été mettre son zizi? Franchement, il y a une confiance. C'est vrai. Il y a une confiance qui s'est installée. Depuis septembre, j'ai fait 19 prises de sang. Encore une chlamydia et on passe au tutoiement. Donc là, je lui décris ma grosseur au pubis. Elle me dit, envoyez-moi une photo sur WhatsApp. Je dis, ok, je raccroche et tout. J'essaie de cadrer la photo, mais je me rends compte qu'il y a deux problèmes. Non. Le premier, c'est qu'il y a trop de poils pour qu'on voit bien la grosseur, quoi. Et là, j'ai un dilemme. Allez, les poils de mon pubis, c'est les seuls poils que j'ai sur le corps. Je me dis, si je les rase, je vais ressembler à Mimi Sicu dans Un Indien dans la ville. Bon, soit je le fais, mais bon, là, je me retrouve face au deuxième problème, c'est que mon pubis, il est quand même vachement proche de mon sgeg. Et cette dame, je la connais pas si bien non plus, quoi. Moi, j'ai envoyé une seule dick pic dans ma vie, et c'était pour Leïla, dans un cadre professionnel. Elle faisait un sujet au JT sur les sexes honnêtes, mais sans plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je cache mon sgeg avec mon... Là, je cache mon sgeg avec mon masque chirurgical, celui que je mets pour aller acheter le sexy-fille. C'est Daniel qui m'avait montré ce truc. Il m'avait dit, on tient un concept de soirée. J'avais dit, peut-être, Daniel, mais range-moi ça, là, on est à la cantine de Radio France, quoi. Bref, j'envoie la photo. Mon médecin me rappelle, elle me dit, c'est bizarre. Et là, je vous promets qu'elle ajoute, toussez un peu pour voir. Je fais, putain, vous êtes sérieuse, docteur? Vous croyez vraiment que j'ai envie de tousser, là, maintenant, dans le contexte? Elle me dit, si, tousser. Et regardez, ça gonfle en toussant. Et donc, je tousse. Oh. Et de fait, ça gonfle. Et elle me dit, ah, c'est probablement, je vous promets. Et ça gonfle. Et elle me dit, c'est probablement une hernie. Et je lui dis, Sanders? Elle me dit, Hermie Sanders? Ça ne ressemble pas à des jeux de mots. Et je lui dis, je sais, docteur, c'est pour ça que je m'inquiète. Combien de temps il me reste? Donc voilà, tout ça pour dire que Bernie Sanders s'est retiré de l'investiture démocrate, que les généralistes continuent à bosser par téléphone et que c'est pas demain que je vais sonner sauver l'honneur de Sapiens Sapiens en courant au parc. Allez, bonne émission, Isaac. Bravo.